Il fait moche dehors, mais l'asile est aux manettes. Ce soir, émission de rentrée 2014 pour l'asile le plus sûr. Après une petite série de spéciales estivales que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur, par exemple, le Mixcloud de l'émission, Mixcloud/Redman, ou encore vous délecter à la lecture du blog de l'asile, asile35.blogspot.fr. Donc, une nouvelle saison qu'on entame ce soir avec une émission qui consistera en une valse de nouveautés, un peu comme la plupart du temps dans l'asile le plus sûr, plutôt du côté des musiques de traverse. On fera un peu plus d'émissions thématiques aussi cette année. On commencera mi-septembre avec une émission sur la scène du free jazz en Turquie actuellement. Voilà donc des musiques à découvrir tout au long de l'année sur internet, le blog de l'asile et sur l'antenne de Canal B 94 MHz. Et on attaque par un titre qu'on avait écouté à la fin de la saison dernière, je crois que c'était à la fin du mois de juin. Il s'agit de la Pyramidée di Sangue, qui est un groupe originaire de Turin en Italie, un ensemble psychédélique avec deux guitares, deux batteries, une clarinette, un synthé et des multi-percussions, une sorte de croisement entre Embryo, les Master Musicians of Bukake, donc une sorte de musique post-psychédélique de très très bon aloi, et qui vont nous plonger dans un petit retour vers la chaleur et vers l'été. Et on attaque avec le titre Reggio Galazia par la Pyramidée di Sangue. We'll be right back. vous l'avez senti, le souffle d'air chaud en provenance de Méditerranée pour réattaquer cette nouvelle saison de l'Asile le plus sûr, deux groupes italiens. Et on a démarré cette petite sélection de rentrées et de nouveautés avec une publication du printemps dernier par ce fameux combo de Turin, la Pyramide di Sangue, et le disque C'était, alors c'est pas du tout leur septième album, mais le deuxième en date, publié conjointement par les labels Sound of Cobra et Boring Machines, qui avait sorti aussi le précédent TB, qui était un peu sur le même genre de formule, du psychédélisme et un peu de musique aussi, on va dire, mi-moyen-orientale, macédonienne, une sorte de Macédoine, donc de son un peu percussif, un peu post Amondiul 2, ou des choses un peu de cet acabit qu'on pouvait entendre dans les années 70, la Pyramide di Sangue, et cet album C'était, qui était enchaîné avec un tout nouveau duo, lui aussi une jeune formation originaire de Rome, issue du collectif basé à l'est de cette ville, sous le nom de Borgata Borodom, un collectif qui mélange assez allègrement noise et lo-fi, quelque part entre de l'acid folk et de l'électro-cosmique un peu dronesque. Ce duo qui s'appelle Heroine in Tahiti, qui est composé de Valerio Mattioli et Francesco Di Figueiredo, qui sont impliqués dans pas mal de projets à côté. Et ils viennent de signer leur deuxième album officiel sous le titre Canicola, disque publié en cassette uniquement par le label NoFi, label qui documente les musiques de Traverse depuis une bonne douzaine d'années, autant en vinyle qu'en cassette. Le précédent opus de Heroine in Tahiti, qui était sorti chez Boring Machines d'ailleurs, ce même label qui a sorti donc l'album de la Pyramide di Sangue qu'on écoutait juste avant. NoFi Recordings avait également sorti un split en compagnie de Ensemble Économique, de cette formation donc Heroine in Tahiti. On vous avait proposé ça aussi dans l'Asile le plus sûr l'an dernier. Donc une édition cassette, comme je vous disais, d'un disque long plutôt très réussi de ce jeune duo, entre western spaghetti hors du temps, surf hypnagogique et musique aussi un tantinet extra-occidental. Une longue improvisation expérimentale sur la face A et des pièces beaucoup plus courtes qui réinjectent des samples d'enregistrement qui ont été réalisés par Alan Lomax en Italie du Sud dans les années 50. Une musique là encore d'inspiration plutôt du côté de Sun City Girls. On pense aussi un peu à Savage Republic. Je propose de retrouver cette formation sur un autre disque publié par le label basé à Bologne, Yerevan Tapes, qui vient de sortir un 45 tours d'Heroine in Tahiti, donc sous le titre Peplum. En guise de musique de film sans images, je propose la face B de ce 45 tours avec le morceau Allô par Heroine in Tahiti. Thank you. there's a man, old man, he sits out on the porch on a shotgun shack on Route 322 South Meadville. He sees you, but you don't see him. Maybe speeding past 60 miles an hour. But he can see you. And you can see your hopes and dreams and fears trailing behind you like scraps of paper that have been torn from a map. He sees you. See what could have been. To know what should have been. Petite séquence d'ambiance quasi champêtre à la cool qui a démarré avec tout d'abord le nouveau 45 tours d'Heroine in Tahiti publié l'été dernier. Je crois que c'est sorti un peu avant l'été, au printemps, ce 45 tours Peplum pour ce groupe de musiciens un peu psychédéliques dans le registre post-Morricone avec un côté un peu plus ésotérico drone sur certaines pièces qu'ils peuvent publier, comme sur la cassette qu'on entendait juste avant sous le titre de Canicola. Excellent projet donc, ce duo originaire de Rome qui était enchaîné avec l'une des grandes nouveautés de la rentrée. Il s'agit de Père Ubu et leur album Carnival of Souls qui sort au mois de septembre sur le label Fire. Donc le nouveau disque du projet de Monsieur Crocus Behemoth, David Thomas, donc, et son légendaire groupe qui n'arrête pas de se bonifier depuis la fin des années 70. Le précédent album Lady from Shanghai était sorti l'an dernier. Il était brillantissime et celui-ci l'est tout autant. On y retrouve le même line-up, celui du Père Ubu actuel, avec notamment Keith Molyneux aux guitares, qui lui a fait un grand bout de chemin aux côtés de David Thomas depuis pas loin de 20 ans. Robert Wheeler qui est au boui-boui électronique, Michel Temple à la basse et Darry Boone qui est le petit nouveau aux clarinettes, qui rajoute un côté rock in opposition, musique nouvelle, un peu sous les traces de la regrettée Lindsay Cooper qui nous a quitté l'an dernier et qui accompagnait David Thomas dans pas mal de ses frasques des années 80. Alors l'argument de ce nouvel album Carnival of Souls est de reprendre la partition que Père Ubu avait jouée pour accompagner le film de série Z du même nom, un film du début des années 60 totalement inconnu au bataillon en ce qui me concerne, une bande musicale qu'ils ont créée donc en 2013 et qui sera d'ailleurs donnée lors de l'étrange festival au Forum des Images de Paris le 12 septembre, c'est-à-dire juste après la sortie de cet album. Et il est à noter aussi que la version vinylique est un tantinet différente du CD, avec des ambiances un peu noise en plus et une longue pièce qui figure sur le CD en moins. Voilà donc pour Père Ubu, et je propose de redynamiser un peu cette ambiance avec du punk-funk américain et la formation Guerrilla Toss, quatuor de Boston, Massachusetts, mené par les cris et vociférations de mademoiselle Cassie Carlson, alias Jane La Honda, qui sort aussi des choses sous ce nom et qui au sein de Guerrilla Toss produit donc un rock assez frénétique et chaotique. On avait pu les découvrir à l'occasion des disques qu'ils avaient sortis, le premier chez Tzadik et l'excellent LP Gay Disco qu'on avait beaucoup passé dans l'asile à l'automne de l'année dernière. Donc une formation qui produit plutôt beaucoup à l'image de la cassette qu'ils ont fait paraître l'été dernier. C'était à la mi-juillet sur le label Infinite Cat dans sa série de cassettes, édité à 300 exemplaires. Il s'agit d'un 4 titres, un tantinet un poil moins réussi que ce Gay Disco, à l'exception de ce titre 367 Equalizer, qui est une sombre histoire d'équaliseur de bande hertzienne, ce dont ils auraient bien besoin. Je propose donc d'écouter ce titre de Guerrilla Toss. Hello! À l'instant, dans l'asile le plus sûr, deux nouveautés de l'été, deux disques qui ont été publiés les derniers mois, donc entre juillet et août. Tout d'abord, une cassette, un EP cassette de Guerrilla Toss, publié par Infinity Cat dans leur cassette series, sorti à 300 exemplaires, donc ça devrait pouvoir se trouver relativement facilement avant d'être épuisé. D'habitude, c'est plutôt des tirages autour de 50-70 pour les musiques aventureuses qui sortent sur ce vieux support. Et autrement, c'est écoutable bien évidemment sur le bandcamp de cette formation américaine. Alors, ça doit être quelque chose comme guerillatos.bandcamp.com. Guerrilla et Toss, T-O-2-S. En tout cas, un EP 4 titres ultra groovy, du punk-funk comme on l'adore dans l'asile le plus sûr, avec ce titre 367 Equalizer, qui est certainement le meilleur morceau de ce 4 titres. Et si vous vous intéressez à ces Américains de Boston, je vous signale aussi une cassette également publiée par Jan La Honda sur Feeding Tube Records sous le titre Bye Bye Bye. Et c'était enchaîné ce titre de Guerrilla Toss avec un disque assez gentillet mais qui réunit deux monstres du rock en la personne de Jackie Leibseit, batteur rescapé de Cannes, et Hans Joachim Irmler, organiste abrasif au sein du Faust historique. Irmler et Leibseit et le disque Flute, qui est sorti à la fin du mois de juillet sur le label Klangbad. Donc, comme je vous disais, une réunion pas forcément indispensable pour une petite série d'improvisations psychées un peu cheap, un peu dans l'esprit de ce que faisait Leibseit, ou de ce que fait plutôt Jackie Leibseit au sein de son duo aux côtés de Bernd Friedman, avec un côté donc beaucoup plus percussion africaine que musique hypnotique comme il pouvait le pratiquer aux côtés de Cannes. Et Joachim Irmler, toujours fidèle à lui-même, qui fait mumuse avec son orgue préparé, un disque issu d'une série de rencontres qui ont été organisées à Cher en Allemagne, qui est le fief d'Irmler. Et dans cette série, on peut retrouver des collaborations aux côtés notamment de FM & Night, l'ex Einstürzende Neubauten, de Christian Wolf Fart, qui est un percussionniste contemporain, ou encore de Gudrun Gut, l'ex Malaria. Donc une actualité assez chargée en cette rentrée de monsieur Hans Joachim Irmler, même si donc, comme je disais, cette rencontre ne casse pas trois pattes à un canard, même laqué. On continue avec là un disque beaucoup plus intéressant du projet Death Blues sous le titre Non-Fiction. Il s'agit de la musique du batteur et percussionniste expérimental américain John Mueller, ex-membre de Collection of Colonies of Bees, qui pratiquait une sorte de rock aventureux un peu répétitif il y a de ça quelques années. Il a fait partie aussi de Volcano Chore et de pas mal d'autres trucs, ainsi que des collaborations notamment aux côtés de Zev, de James Plotkin, de Jason Kahn, de Riz Chatham, bref, d'à peu près tout ce que les États-Unis comptent dans les musiques aventureuses contemporaines. Et donc là, il s'agit de son projet solo Death Blues, qui existe depuis à peu près 2 ans, et avec lequel il a déjà sorti un disque éponyme chez Taiga. Donc apparemment, il reprend du service avec cette entité, et ce LP sous le titre Non-Fiction, qui est sorti chez Siege Records, S-I-G-E, qui est le nouveau label du boss d'Hydra Head Records, qui est le guitariste de Isis et des Locus Eaters, monsieur Aaron Turner. Donc c'est une musique plutôt drone doom, mais jouée à la batterie avec de la voix et puis différentes ambiances un peu noise. On écoute, pour s'en rendre compte, un long extrait de la pièce Fleuve qui occupe la face A de ce LP donc de Death Blues, le bien nommé. We'll be right back. Et ouais, c'est un peu triste de couper cette longue pièce de Death Blues qui n'est pas une fiction. Le titre non-fiction de ce LP, deux longues pièces qui occupent chacune des faces de vinyle publié par le label Siege Records, de ce projet du batteur percussionniste John Mueller qui reprend sérieusement du service, publié donc ce disque un peu avant l'été. J'ai cru lire quelque part qu'il prévoyait de sortir un autre opus à l'automne ou un peu avant l'automne, et il était en tournée dans le sud des États-Unis et dans le Midwest une partie de l'été dernier, enfin de cet été puisque l'été n'est pas encore terminé. Donc un projet plutôt hyperactif de John Mueller, et bon, la face la plus intéressante de ce vinyle qu'il est tout autant. On va continuer avec une séquence de musique électronique, et là encore donc une nouveauté de la rentrée, et pas des moindres puisqu'il s'agit du retour du duo de Philadelphie qui a grandi au son du synthé Buchla de Charles Cohen. J'ai nommé Meta Splice, une formation qu'on suit depuis les débuts. Il m'avait beaucoup marqué avec leur EP Topographical Interference, et ainsi que pour leur disque long qui lui s'intitulait Infratracts. Tous deux avaient été publiés chez Morphine Records, qui est l'un des labels qui compte aujourd'hui beaucoup dans le domaine des musiques électroniques avant-garde et qui cogne aussi un peu sur les bords, un label dont s'occupe le Libanais basé en Allemagne, monsieur Rabbi Béhani, qui officie sous l'alias de Morphosis. Donc Meta Splice, qui est un duo constitué de Mr. V. Old et Kenneth Lay, et qui pratique une musique électronique post-industrielle. On va écouter un extrait de ce nouvel EP qu'ils viennent tout juste de faire paraître. La face A s'intitule Vertia, mais là je propose d'écouter en tout cas en partie la face B sous le titre Tiled Heights, et c'est sorti donc chez Morphine Records au début du mois de juillet. On écoute Meta Splice dans l'asile le plus sûr. Thank you. Une séquence de musique électronique aventureuse comme on les aime dans l'Asie de l'Obscur, qui a démarré avec Metasplice et leur EP Vertia Tiled Eights, deux longues pièces de 8-9 minutes qui occupent les deux faces de ce maxi publié par le label Morphine Records. Maxi plutôt très calme pour cette formation assez habituée à de la musique un peu électronique façon industrielle. Là, c'est beaucoup plus contemporain, on pourrait dire, des jeux de rythme et des choses dans les musiques un peu spectral, recherche de timbre, ce qu'ils pratiquent de plus en plus, ce duo fort intéressant, en tout cas à mes oreilles, qui était enchaîné avec James Hoff, qui est un sound artiste et performeur américain qui lui vit à New York City comme de juste, et qui s'occupe d'un consortium sous le nom de Primary Information, qui produit tout à la fois des livres d'artistes, des performances sonores ou encore de poésie ou des performances visuelles aussi. Alors c'est le second disque qui sort de ce quasi quadragénaire. Le précédent était sorti chez Pan Records en 2011, et ce nouvel opus sous le titre Blaster est également publié sur le label berlinois de Bill Kulligas, fraîchement publié d'ailleurs, c'est sorti à la mi-août, et il s'agit cette fois-ci d'exploration des bugs systèmes des ordinateurs. James Hoff a injecté dans un ordinateur le virus Blaster, qui apparemment traficote un peu les logiciels son qui l'utilise, d'où le titre de ce disque. Et il a mixé un peu tout ça pour reproduire un album qui mélange samples hachés à la moulinette et des expérimentations un peu plus longues. Il y a une pièce de 15 minutes et une série de miniatures hoquetantes comme celle qu'on entendait juste avant. Et ce sont des expérimentations qui font parfois penser d'ailleurs à du Black Dice, donc c'est plutôt pas mal ce disque Blaster qui vient tout juste de voir le jour, de Mr. James Hoff. On continue avec une formation que je découvre, il s'agit de The National Jazz Trio of Scotland, qui n'est pas du tout un trio de jazz écossais, même si c'est un vrai trio piano, marimba, alto, chant et différentes autres choses. C'est plutôt une musique un peu nouvelle, pratiquée par des musiciens qu'on a déjà rencontrés dans l'Asie l'Obscur, notamment Abby Vulliamy, qu'on a entendu au sein de Nail et dans les projets de Daniel Padden, notamment son One Ensemble, son projet de folk de traverse, donc un environnement plutôt fertile de cette scène écossaise. Et il viennent de faire paraître fin juin leur troisième opus en date sous le titre Standards. Alors les deux précédents étaient sortis comme celui-ci sur le label allemand Karaoke Kalk, et je propose de découvrir cet album Standards Volume 3 avec le titre qui ouvre cet album, donc du National Jazz Trio of Scotland. Thank you.

On a démarré cette penultième séquence de cet asile de rentrée avec The National Jazz Trio of Scotland, une musique nouvelle un peu popisante par ce trio d'Écossais dont fait partie Abby Vulliamy. Et ce disque Standards Volume 3, sorti un peu avant l'été par le label Karaoke Calc, qui était enchaîné avec un excellent disque d'expérimentation sonore dans le domaine des musiques plutôt sérieuses et contemporaines, sérieuses quoique, à en croire la carrière de son instigateur, monsieur David Rosenboom, qui mène des expériences notamment sur les ondes cérébrales et autres inventions d'instruments électroniques bizarres, et ce depuis la fin des années 60. Vous pouvez retrouver un peu toute son épopée et son histoire assez incroyable dans le numéro de rentrée du magazine anglais The Wire, disponible en kiosque et aussi par exemple à la boutique Blind Spot rue Poulain du Parc. Et là on écoutait donc David Rosenboom en compagnie du percussionniste qu'on connaît tant dans le jazz contemporain comme David Rosenboom d'ailleurs que dans les musiques contemporaines, monsieur William Winant, un disque qu'ils ont publié ensemble sur le label Pogus sous le titre Zones of Influence, qui est vraiment très très recommandable. Voilà, je vous rappelle que l'ensemble des playlists de l'Asile le plus sûr sont disponibles sur asile35.blogspot.fr avec possibilité de poster des commentaires, de télécharger les émissions ou encore de les écouter également en streaming sur le Mixcloud/Redman. Et on va se quitter avec un dernier titre et un tout nouveau projet du saxophoniste, du multi ou polysaxophoniste américain Ken Vandermark et sa toute nouvelle formation sous le nom de Audio One, qui est un quintet avec pas moins de 4 saxophonistes et notamment Mars Williams ou son collègue Dave Rampis. Ils sont aussi également aux côtés du tromboniste Jeb Bishop, du vibraphoniste Jason Adasiewicz ou encore du batteur Tim Daisy. Je ne vais pas vous les faire tous. Juste pour vous dire que Audio One vient de faire paraître 2 disques coup sur coup. Celui qu'on va écouter sous le titre An International Report, c'est sorti sur, je crois que c'est la nouvelle, le nouveau label de Ken Vandermark, son entité Audiographic Records, des disques qui vont être disponibles très très bientôt d'ailleurs également en vinyle. L'autre s'appelle The Midwest School et ce sont des disques vraiment fantabulesques dans le domaine du jazz free, assez rythmé et assez péchu, musique idéale pour la rentrée. Et je vous signale que Ken Vandermark est en concert fin de cette semaine à Nantes à l'occasion du festival des Rendez-vous de l'Erdre. Il sera aux côtés des guitaristes de ZX. Pour ne rien gâcher, ZX guitare, Mitz Vandermark et l'excellent batteur Paul Nissenlove, le projet Lean Left, qui sera donc en concert. Ce sera sur la scène Mix Jazz du festival des Rendez-vous de l'Erdre à Nantes, donc qui a lieu toute fin de cette semaine. Et donc ce sera le vendredi 29 juin à partir de 20h. C'est entièrement gratuit comme les 3 jours de ce festival nantais que je ne peux que vous recommander, et tout particulièrement donc ce concert qui risque d'être assez mémorable de Lean Left. On se quitte avec un assez long extrait de ce disque Audio One, An International Report, et on va écouter le morceau qui démarre sous le titre Encyclopedia of Horse, dédié et dédicacé à monsieur Henry Sregill. On écoute Audio One. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine.